maluté dans le rap, je pense. Faut y faire aussi vrai que notre salut est dans l'alliance. J'en ris, je dis que c'est tout moi, je suis un héros, c'est pourquoi j'ai le pouvoir d'enrichir les bourgeois. J'ai ni dieu ni maître, mais que ni tête. Dans mes textes, j'en mettrais si j'étais ni que nickel. Dans ma musique, ils m'ont dit que j'étais comique, ironique. Mes frères au jeune n'aient connu qu'elle. Je dis qu'elle mérite l'attention. Je respecte l'être humain, mais je méprise leur fonction. Attention, ce que je t'amène, c'est que de la bombe. Creuse ta tête ou bien creuse ta tombe. Bref, moi j'y mets la technique. Et si les élections changeaient le monde, elles seraient interdites. Ta démocratie, elle n'est que fiction. Viston, puisqu'on est le monde, évitons celui-ci. Reprenons nos vies en main, viens maintenant que tu sais que t'es pas seul ici. L'État sollicite une masse à opprimer, mais sois lucide, on n'est pas une race à dominer. Ne baissez pas les bras, levez plutôt les poings. On est plein mais on est qu'un, ça ne tient qu'à toi et moi. Ne laissez pas les rois nous conduire au déclin. Bien, allez bien, on devient ce qu'ils ne voulaient pas. Ne baissez pas les bras, levez plutôt les poings. On est plein mais on est qu'un, ça ne tient qu'à toi et moi. Ne laissez pas les rois nous conduire au déclin. Bien, allez bien, on devient ce qu'ils ne voulaient pas. Veste à local, faut qu'on se check à l'occasion. Moi je dépasse toutes vos attentes sur une veste pas d'occasion. Je connais les vrais salopards. Toi aussi tu l'as remarqué, frérot, c'est quoi le pire? Créer une banque ou la braquer comme toi. Je suis qu'un libre penseur, le droit de vivre se prend, je le pratique au fond seul. La patrie m'offense, faut bien l'admettre. On n'est jamais mieux asservi que par son maître. La nuit y approche, mec, j'ai pu ise les proverbes. Et puis il se pays s'abrutit de promesses. On a qu'une vie, d'accord, mais la police a quand même le QI d'un gobelet. C'est gratuit, traduit ma colère. L'ennui, c'est qu'elle nuit à mes collègues. Elle est censée me régir, est-ce insensé de me dire que le peuple a faim et qu'il aimerait changer de régime? Le roi, il faut qu'il fasse pénitence publique et solennelle de sa poésie licencieuse et irreligieuse. Ne baissez pas les bras, levez plutôt les poings. On est plein mais on est qu'un, ça ne tient qu'à toi et moi. Ne laissez pas les rois nous conduire au déclin. Bien, allez bien, on devient ce qu'ils ne voulaient pas. Ne baissez pas les bras, levez plutôt les poings. On est plein mais on est qu'un, ça ne tient qu'à toi et moi. Ne laissez pas les rois nous conduire au déclin. Bien, allez bien, on devient ce qu'ils ne voulaient pas. Ma rage est dirigée sur notre empire. Ce pays y a des lois librement consenties. Oh, l'absence de justice, vraiment consentie. Oh, l'absence de justice, c'est la paix qui me vient. Dans quelle époque étrange, je préfère. Et dans quelle époque étrange, je préfère. Mais dans quelle époque étrange, je préfère. Et mais dans quelle époque étrange, vit-on, je préfère. Vivre un jour comme un pantin que disent qu'un aspect. J'ai la foi, j'ai la tech. Et le fait est que j'ai pas la tête à la fête. Je viens péter. Cousin brise tes chaînes, tous un brique c'est chum. J'épouse un bic et pousse la zig pour que la rime résonne. Ok d'accord, je vois large. Ok d'accord, je voyage grâce à mes textes qui trancheront la gorge royale. Loin des rois, vivement qu'on se tire. Obéir qu'à des lois librement consenties. Ouais, c'est tard, je cogite et je gratte mon texte. Mais gare à toi si t'as la logique d'un garde frontière. Je dis que je me tire d'un battement d'aile où mes avoirs finiront par abattre mon être. Mais dis-moi quels sont vos rêves. Je suis l'exception qui remet en question vos règles. Récidive. Demande à mon pot si un autre monde est possible. Sans compte en banque et profit, pauvre type. La révolte est notre unique chance, vu qu'on récolte que le fruit de votre silence. Qu'est-ce tu crois? On veut la tête du roi qui prétend faire du rap sans faire opposition. Pour être franc, faut qu'on s'entraide, non? Quand on joue avec le feutre, ça pourrait péflant. Qu'est-ce tu crois? On veut la tête du roi qui prétend faire du rap sans faire opposition. Pour être franc, faut qu'on s'entraide, non? Quand on joue avec le feutre, ça pourrait péflant. La musique incarne l'harmonie universelle et à ce titre, elle a un rôle politique à jouer. Ne baissez pas les bras, levez plutôt les poings. On est plein mais on est qu'un, ça ne tient qu'à toi et moi. Ne laissez pas les rois nous conduire au déclin. Bien, allez bien, on devient ce qu'ils ne voulaient pas. Ne baissez pas les bras, levez plutôt les poings. On est plein mais on est qu'un, ça ne tient qu'à toi et moi. Ne laissez pas l'État nous conduire au déclin. Bien, allez bien, on devient ce qu'ils ne voulaient pas. Le roi ne supportait plus tes crachats et tes râles.